Panthère. C'est Oli. O-L-I. La Bible des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je m'appelle Guillaume Gallienne. Bonjour, je m'appelle Estelle Gap. Nous allons vous raconter l'histoire de Babouchka Babatchka, la grand-mère papillon. Je m'appelle Sacha, j'ai 7 ans. Ma mère m'appelle souvent Souns, petit soleil, à cause de mes cheveux qui ne tiennent jamais en place et s'agitent autour de mon visage. Maman me dit que c'est l'électricité statique. Moi, je ne comprends pas comment je peux avoir de l'électricité sur la tête. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours l'air d'un petit lion ébouriffé et j'aime ça. Mais aujourd'hui, maman m'a parlé d'une voix différente. Elle m'a appelé Alexandre. Et là, c'est très mauvais signe. Alexandre, c'est le nom de quand je fais des bêtises et je n'aime pas du tout ça. Maman arrive en courant, elle me serre dans ses bras. D'habitude, on se fait des bisous papillons, maman et moi. C'est notre invention, rien que pour nous deux, notre secret. Maman approche son visage de ma joue et me caresse la peau du bout de ses cils en papillonnant de l'œil. C'est doux et en même temps, ça me fait des chatouilles. J'ai parfois un peu peur de son gros œil qui me regarde de si près. Mais je suis Sacha le lion et un lion n'a jamais peur. Ce matin, maman a les joues rouges et les cheveux un peu ébouriffés. Elle s'agenouille en face de moi. Elle me prend les mains dans les siennes. Sacha, Sonsa, mon petit soleil, j'ai une chose très grave à te dire. C'est Babou, Babouchka, ta grand-mère. Je ne sais pas ce que ça veut dire grave. Je pense à gare, garde, garder. Est-ce que maman aurait un nouveau secret à me dire ? Babouchka, Babatchka, ta grand-mère. Elle est partie pour toujours. Elle est morte. Je regarde maman, je vois ses lèvres bouger, une larme couler sur sa joue. Je voudrais lui faire un bisou papillon pour l'essuyer, mais je n'ose pas bouger. J'ai peur de l'électricité dans l'air. Babouchka Babatchka, elle s'est envolée comme un papillon ? Oui, Sacha, sonne ça. On peut dire ça. Mais avec toute l'électricité qu'il y a dans l'air, elle va se faire mal. Non, Sacha, ne t'inquiète pas. Babou n'a rien senti. Tu sais, elle était très fatiguée. Elle a décidé d'abandonner son vieux corps qui lui pesait comme une coquille. Elle va rejoindre au ciel toute sa famille qu'elle aimait et qu'elle a dû abandonner quand elle était petite fille, quand elle avait ton âge, 7 ans. Tu te souviens des histoires qu'elle racontait ? Soudain, j'ai plus envie d'écouter maman. Je sens une énorme chaleur envahissant mon corps qui m'empêche de respirer. J'ai l'impression d'être aspiré par un tourbillon, de tomber dans un gouffre sans fond. À 7 ans, je découvre la sensation du vide, de l'absence, de la mort. Alors je crie très fort. Babouchka Babatchka, où es-tu ? Et puis je me mets à courir très vite jusqu'au fond du jardin. Je ne veux pas que maman me voie pleurer. C'est mon premier chagrin de grand garçon. Comme des vagues qui grondent au fond de la gorge et qui grossissent. À chaque sanglot, les larmes me brûlent les yeux. Je me réfugie dans ma cachette, au milieu des bambous, là où les adultes n'arrivent pas à se faufiler. J'y retrouve mes trésors. Les billes chinoises que j'ai gagnées à la récré contre ce tricheur de Yannick. Mes coquillages ramassés sur toutes les plages de vacances. Et surtout ma boîte à images. Mes papillons de toutes les couleurs, de tous les pays. C'est Babou qui me les a offertes. Ma grand-mère papillon. Son vrai nom, c'est Sonia, ou Sophie. Mais pour moi, c'est Babouchka Babatchka, grand-mère papillon en russe. Babou disait que son prénom, Sonia, et le mien, Sacha, c'était les mêmes rayons du soleil, qui venaient d'un pays lointain, la Russie. Moi, je n'ai jamais vu la Russie, mais il paraît que c'est loin et si grand qu'on peut toucher le bout du monde. Babou me parlait de Moscou, la ville où elle était née, il y a tellement longtemps que c'était un autre siècle. Elle disait que Moscou n'a pas toujours été la capitale de la Russie et que le mot « capitale » en russe signifie « la ville aux 100 visages ». Elle disait aussi qu'il fallait se méfier des méchants qui avaient 1000 visages. Elle était née avant la guerre. Et puis, quand elle a eu 7 ans, les amis de son pays étaient devenus des ennemis et l'avaient attaquée. Dans une autre ville, ses cousins étaient morts de faim et de froid, alors ses parents l'ont confiée à des amis qui partaient pour la France. Elle avait eu peur longtemps que les soldats allemands qui avaient envahi son pays viennent la chercher jusqu'à Paris. Elle avait appris le français. Elle avait changé de prénom. À l'école, on l'appelait Sophie. Elle a connu la drôle de guerre. Moi, je ne comprends pas comment on peut dire que la guerre est drôle. En plus, pendant la guerre, il doit y avoir encore plus d'électricité dans l'air. Ça me fait très peur. Babou avait eu peur des bombardements. Elle m'a raconté les alertes et les heures passées à se cacher dans la cave, à attendre dans le noir. Autour d'elle, souvent, des grandes personnes pleuraient. On se disputait pour de la nourriture. Elle avait mangé de drôles de pommes de terre qui n'avaient pas le même goût qu'en Russie. Des petits tambours, ça s'appelait. À l'école, les autres enfants se moquaient d'elle, de son accent russe, de ses parents qui n'étaient pas ses vrais parents. Alors elle faisait comme moi. Elle courait se réfugier au pied de son arbre préféré au fond de la cour. Un jour, pendant une promenade, elle m'a montré son école. Le préau avec de grandes vitres en demi-cercle et les arbres dans la cour. Je regarde ces énormes platanes au tronc puissant, plus âgés que ma grand-mère. Babou semble si fluette à côté avec son corps de papillon. Babou n'est jamais retournée en Russie, sur la terre de ses ancêtres, là où ses parents sont morts. Elle a été russe, puis française. Elle s'est mariée. Elle a eu 6 enfants. Elle a été ouvrière, secrétaire, puis infirmière. Elle aussi a connu une vie aux 1000 visages. Quand je suis née, elle a demandé qu'on l'appelle Babou, pour garder une trace de sa langue maternelle. Babou comme babouchka, grand-mère. Et babachka, comme papillon. Elle m'a appris plein de mots russes, en cachette. C'était notre secret. Des mots graves, je crois. Révolution, bolchevique, russe blanc, armée rouge. Les Russes ont-ils autant de couleurs que les papillons? Demain, on va aller la voir à l'église pour lui dire au revoir. Maman m'a dit qu'elle serait comme dans son lit, avec un drap sur ses jambes, les yeux fermés, comme si elle dormait. Autour d'elle, il y aura plein de bougies pour l'éclairer dans l'autre monde. Quand personne ne regardera, je me pencherai sur son visage et je lui ferai un bisou papillon. Mais c'est décidé, je n'irai pas au cimetière. Je resterai à l'entrée, sous le petit bosquet. Demain, c'est là que j'attendrai assis sous les arbres. Il y aura du vent qui viendra ébouriffer mes cheveux. Il y aura de l'électricité dans l'air. Mais je n'aurai plus peur. Je suis un grand maintenant. Je suis Sacha, le lion russe, le petit-fils de Sonietchka. Et je te verrai passer, babouchka babachka. Tes ailes multicolores resplendiront dans le soleil de printemps et je crierai « Babouchka babachka, je t'aimerai toujours, ma grand-mère papillon !» Et c'est ainsi que Sacha a continué à grandir avec un petit papillon qui voletait toujours autour de lui. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Bonne nuit les petits et les grands. Tu as aimé ce conte? Sais-tu que tu peux déjà retrouver en librairie 4 histoires de la collection Oli France Inter dans de beaux albums illustrés?